nostalgie pour adulte. Aime-moi. Une nostalgie pour adulte. Aime-moi tant que je t'aime. Une nostalgie pour adulte. Aime-moi pour qu'elle m'aime. Une nostalgie pour adulte avec Virginie. Aimez-vous. Une nostalgie pour adulte avec Philippe. Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier épisode pour une nostalgie pour adultes, le nouveau podcast que nous lançons ici avec Solange Productions. Donc pour ceux qui n'auraient pas pu écouter l'épisode 0, donc l'épisode d'introduction, nous sommes ici pour partager avec vous une culture vintage et décalée destinée principalement aux adultes, avec beaucoup de passion, de surprises, de réflexions qui seront au rendez-vous pour vous montrer que la nostalgie peut être à la fois croustillante et passionnante, n'est-ce pas Philippe ? Tout à fait. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Ok, alors de quoi on va parler dans ce premier épisode ? Alors nous allons parler des débuts du porno amateur français. Oh, donc pour vous faire un rapide déroulé, on va faire un petit historique sur ce thème-là, donc le porno amateur français dans les années 90 et le rapport avec Philippe Solange. Puis on vous montrera en fait l'identité de ce porno amateur à ses débuts et les codes aussi du début de l'amateur gay, le parcours de Philippe et ses anecdotes pratiques autour de ce thème-là, avant de faire un rapide comparatif entre l'amateur d'hier et l'amateur d'aujourd'hui. Alors du coup, Philippe, est-ce que tu peux juste nous rappeler quel est toi ton rapport par rapport à cette thématique-là ? Alors moi j'ai travaillé dans ce milieu, dans le porno amateur. À ses débuts, je fais partie des précurseurs avec la production pour laquelle j'ai travaillé. Donc il y a bien une trentaine d'années. Et donc c'est volontairement que je ne cite pas la production pour laquelle j'ai travaillé. D'accord. Voilà, c'est pas un oubli. Et donc j'ai travaillé sous différents pseudos en tant que réalisateur et aussi qu'acteur. Ok. Voilà. D'accord. Et donc... pourquoi tu as choisi de parler de ce thème-là en premier dans le podcast, amateur français ? C'est un thème qui me tient à cœur, ça fait partie de mon parcours. Et puis, en essayant de retrouver certaines sources sur Internet, je me suis aperçu en fait qu'il ne reste quasiment rien sur cette période, on va dire les années 90, et ses débuts du porno amateur. Donc c'est comme si la mémoire avait été effacée, et je trouve que c'est intéressant d'en parler. Oui, d'accord, pour laisser une trace finalement sur cette partie-là aussi, l'histoire du porno, en tout cas du porno français. Donc du coup, comment toi tu définirais le porno amateur français à ses débuts ? Alors, il faut qu'on fasse un petit récapitulatif, je pense, hein, pour remettre un peu en situation. Alors, d'abord, il y a eu l'arrivée de la vidéo. Donc moi, j'étais ado. Et il faut se dire qu'à cette époque, donc au tout début de la vidéo, c'était déjà inimaginable de pouvoir choisir des films et les regarder chez soi. Mais en plus des films interdits aux mineurs, parce que la télé était assez prude à l'époque. Hein. Donc que ce soit des films d'horreur ou des films porno, c'était une révolution. Mmh. Donc... au début de la vidéo, le porno et l'horreur sont vraiment les genres phares. D'ailleurs, René Château, qui est toujours un éditeur vidéo, a été 3 ans dans les meilleures ventes vidéo avec son film Massacre à la tronçonneuse. Oui. C'était donc un film d'horreur. Culte. Culte. Et les films porno, c'était pareil, c'était vraiment des genres cousins à l'époque, c'était des films interdits aux mineurs. Donc les fameux films pour adultes. Tout à fait. Et pour te dire, par exemple, même les magazines, un des premiers magazines, si ce n'est pas le premier, qui a vraiment illustré et surfé sur cette période du début de la vidéo, ça s'appelait Vidéo 7. Et il avait, donc c'était un magazine généraliste, mais il avait en son centre un livret dédié au porno. D'accord. Donc il fallait ouvrir à l'envers pour pas que voilà, tout le monde puisse le voir. Mais voilà, faut s'imaginer que c'était des gens incontournables. Mais il y avait aussi le fait que on n'était pas dans une quête comme aujourd'hui, une quête incessante de nouveautés. Donc quand les labels ont sorti leurs films au début de la vidéo, ça pouvait être des films qui dataient de quelques années. Tu vois, par exemple, Massacre à la tronçonneuse avait quand même vraiment quelques années, c'était loin d'être une nouveauté. Donc on était dans une philosophie de consommation différente. Oui, la durée d'exploitation était plus longue aussi pour les films. Tout à fait, on n'était pas dans vraiment le côté nouveauté à tout prix. Et donc les films d'horreur, c'était valable pour eux, mais c'était valable aussi pour les pornos. C'est-à-dire qu'au tout début de la vidéo, c'était des grands distributeurs comme Alpha France, qui était un distributeur producteur de films porno pour le cinéma, qui éditait son catalogue en vidéo. Donc on se retrouvait avec, ma foi, un catalogue porno qui avait un énorme succès, mais qui était très classique et institutionnel. Les petits éditeurs, bon, il n'y en avait d'ailleurs pas au début, il n'y en avait pas trop. Les petits éditeurs n'avaient pas encore les moyens d'acheter les droits de ces films, qui étaient quand même des grands films, même si c'était des films porno. Et le premier, pour te donner une image, le premier, c'est Marc Dorcel, qui a été un éditeur indépendant, qui n'était pas Alpha France, ou qui ne distribuait pas des films américains, qui étaient des grosses productions. Et d'ailleurs, qui avait des productions très convenables, parce que les premiers films de Marc Dorcel sortis en vidéo étaient quand même assez luxueux. C'était de la vidéo professionnelle, il y avait des costumes, il y avait des décors, des châteaux, enfin tout ce que tu veux. Il avait déjà son côté un peu prestige à l'époque. Voilà, Dorcel, il voulait faire un peu du porno de luxe. Et moi, pourtant, quand j'ai vu... Bon, je voyais que les jaquettes à l'époque, puisque j'avais pas l'âge de les voir. Mais déjà, ça me surprenait, j'avais une sensation d'amateur. Alors, pourtant, il n'y avait rien d'amateur. Mais le fait de voir quelque chose de tourné en vidéo, et non pas en pellicule, donc le grain est différent, les jaquettes, qui étaient des jaquettes, des photomontages, même un peu style roman photo, mais qui n'étaient pas des affiches de films, ça avait déjà quelque chose de particulier. Moins cinéma. Ouais, moi, je me souviens à l'époque, m'être dit, mais tiens, c'est bizarre, c'est amateur, alors qu'on en était très, très loin. Donc les années 80 avant, c'est arrivé fin 80 aussi, des formats vidéo de caméscope, ce qu'on appelait semi-professionnels. D'accord. Parce qu'au départ, il y a eu les caméscopes VHS, bon, c'était quand même 200 et quelques lignes, c'est léger, tu vois, pour faire des copies, etc. Il y a beaucoup de déperditions, je pense pas qu'un éditeur pouvait trop penser pouvoir exploiter quelque chose en VHS, mais il arrive le Super VHS, le HI8, qui sont des formats accessibles à tout le monde, pas chers, et qui ont une définition correcte. Et à partir de là, certains éditeurs prennent le... deviennent aussi fabricants de contenu porno. Se disent, on va faire du porno. Parce que la technique est plus accessible. Tout à fait. Alors au début, le porno amateur, il y avait justement, comme je disais pour Dorcel, une question technique. Ouais. C'est-à-dire, après le porno amateur est devenu amateur dans le sens... comédiens non rémunérés, donc de vrais gens qui font ça pour le plaisir. Mais au tout début, il y avait vraiment ce côté technique. D'accord, donc c'était vraiment le matériel technique qui définissait l'amateur, parce qu'il s'éloignait des codes techniques du cinéma. Oui, et ça donnait ce qui est l'essence même déjà du porno amateur, même si les comédiens étaient rémunérés. Ça donnait une impression un peu crue, pris sur le vif, pas surfait. Oui. Qui était déjà beaucoup plus excitant pour la clientèle. Il y avait déjà quelque chose qui nourrissait les fantasmes. Ouais, qui faisait avancer les choses. D'accord. Il y avait un tournant qui se prenait là. Et donc, il y a certains éditeurs qui ont surfé là-dessus. Et qui sont devenus producteurs aussi. Ouais. Donc il y avait, juste pour reprendre par rapport à la définition d'amateur, il y avait l'amateur le plus rare, hein. même aujourd'hui, enfin, le vrai amateur avec des gens qui faisaient ça pour le plaisir, comme pouvait l'avoir fait Laetitia, d'accord, dans sa collection Intimité violée par une femme, où vraiment elle allait chez des gens oui, c'est particulier, pour les filmer dans leurs ébats, c'était pas du tout des professionnels. Et puis il y avait le pro-am, c'est-à-dire, c'est ce que moi je faisais, hein. C'est-à-dire, c'était tourner avec la sensibilité de l'amateur, avec ce côté pris sur le vif, ce côté cru, mais avec des comédiens rémunérés. D'accord. Voilà, donc les deux branches qui existent toujours, hein, parce que quand on voit dans certains films ou collections amateurs les mêmes têtes qui se répètent, oui. Voilà, c'est, oui. il y a tellement des rémunérations derrière. Oui. D'accord, voilà. Okay. Donc voilà, je t'ai fait un peu l'arrivée du porno amateur. Oui, bah, je crois que c'est beaucoup plus clair. Donc c'est à la fois lié à cette évolution technologique à l'époque et aussi à la fois lié au fait qu'on rendait accessible à des acteurs vraiment amateurs, donc des gens, monsieur, madame, tout le monde, la possibilité d'être acteur et d'être filmé pour des films porno. Voilà, c'est en fait la technologie. Mais ça, c'est vraiment deux choses différentes. C'est la technologie qui a entraîné ça. D'accord, ok, très bien. Tu vois. Mais voilà, c'est vraiment l'arrivée des caméscopes, ce qu'on appelait semi-professionnels, etc., ouais. qui ont permis aux productions de pouvoir faire ça pour pas cher. Et ça a explosé parce qu'il y a des productions, alors je peux t'en donner certaines, peut-être ça rappellera des souvenirs à certains. Il y a par exemple donc Laetitia. Ouais. Laetitia, c'est une grande dame du porno amateur, parce que vraiment à l'époque, on en parlera plus tard, mais quand on savait comment organiser les castings, les rendez-vous, tout ça, ce qu'elle a fait, c'était, il fallait le faire. C'était une prouesse. Donc elle a fait du vrai amateur, mm-hmm. donc intimité volée par une femme. Elle a fait aussi du pro-am, d'accord. avec l'école de Laetitia, etc. Elle avait quelques collections en parallèle, qui étaient bien. Il y avait MSTX, qui était aussi une production amateur assez connue. D'ailleurs, ça veut dire les initiales « Maman sait que tu tournes ». D'accord. Je pense, si on se souvient c'est bien. Pas mal. Il y avait la production « Défi », « Vanessa », « Prélude ». Ouais. Alors, Prélude, c'était une production aussi très prospère parce que sa collection « Rodéo amateur » a eu plus de 150 ou 200 numéros. D'accord, okay, c'est énorme. Okay. Donc, c'est conséquent. C'est pas rien. Il y avait HPG. Hmm. Alors, HPG, c'est... C'est quelqu'un de talentueux dans le porno, parce qu'en fait, il avait vraiment son style, il parlait beaucoup. D'ailleurs, il se rapproche assez de moi où je me rapproche de lui. Enfin, on a un peu cette même façon de parler pendant le film, d'accord. pour apporter du fantasme ou de la perversité ou tout d'accord. ce que tu veux. Donc des réalisateurs bavards. Ouais, très bavards. D'ailleurs, en fait, je pense qu'on supporte pas le silence. D'accord, ok. Et qui arrivait à faire tout seul. C'est-à-dire que il arrivait à faire des scènes, lui, l'actrice, il faisait tout, il filmait, il tournait, enfin, vraiment, c'était limite du contorsionnisme. Oui, l'homme orchestre. Mais il avait une vraie patte, parce que on en parlera tout à l'heure, mais c'est important d'avoir une patte. Et il avait sa patte, et c'était pour moi un très bon. D'accord, dans okay. il avait vraiment son style bien défini, ouais. on reconnaissait tout de suite. Quoi. Ouais. Et alors en gay, ouais. on parlait aussi du gay, il y avait JNRC, qui lui a apporté quelque chose. En fait, il a apporté le tout solo. D'accord, ok. Alors, pour résumer un petit peu, quand on tournait du porno amateur, on avait toujours en réserve quelques petites scènes de solo qui permettent, quand un film est un petit peu trop court, paf, on met un solo et il obtient la bonne durée. La bonne durée, voilà. Okay. Et lui a assumé le fait de faire des films tout solo, donc que des solos, avec des thèmes très particuliers. En fait, le thème, c'était le type d'acteurs, enfin là, c'était pas des acteurs, c'était des vrais amateurs, qui faisait le solo dans la caméra, donc ça pouvait être pompier, militaire, d'accord. enfin tout ce que tu veux. Okay. Et c'était très bien fait. C'est-à-dire, il a poussé vraiment le solo à ce qu'on pouvait faire de mieux pour de l'amateur, avec des silences, de la gêne, etc. Un côté très pris d'accord. sur le vif. Et c'était vraiment bien, et il a emmené ça, et il a innové. Donc l'idée pour lui, c'était de prendre des amateurs, donc des gens lambda, enfin ouais, des hommes lambda, des vrais de les emmener à accepter d'être filmés lors de masturbation, quoi, en solo. Tout à fait. Ah oui, c'est ça. Dans leur tenue civile, j'ai envie de dire. Enfin, au début de la scène. Oui, bien sûr. Il faut mieux les enlever après. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ce soit des vraies tenues, c'est pas des costumes. C'est ça et que tu veux dire. Justement, ouais. Et sa patte, à lui, c'était qu'il y a quand même quelque chose d'indicible. Alors, des fois, c'est très bien fait, mais des fois, c'est vrai. Pas sincère, c'est pas une question de sincérité, mais des fois, c'est vrai. Mmh. Et lui, on sent la vérité. D'accord, ok. Voilà, quand ils disent que ce sont des militaires, etc., tu le sens. Oui, c'est crédible tout de suite. Ouais, et il y a une côté gêne, c'est un peu silencieux, les solos sont très silencieux. Justement, Lui prend le parti inverse du mien, c'est de ne pas parler du tout. Donc cette gêne se ressent, etc. Oui. Et pour un solo, ça... Oui, stratégiquement, ça marche. Voilà, dans son style, ça marche. Parce que moi, quand je parle, ça marche aussi très bien. Mais oui, on est dans deux styles complètement opposés. Je ne voulais pas te froisser, t'inquiète pas. Ok, je vois bien. Bah, super, merci pour ce tableau sur les productions à succès. Donc, on a vu du coup que c'était quand même lié à cette évolution technologique. Et après, tu parlais de sociétés de production porno amateur qui sont devenues ou qui étaient prospères à cette époque-là. À quoi c'était lié? C'était lié au circuit de distribution? Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, l'époque est très faste pour tout le monde. D'accord. C'est une époque bénie. D'accord, ok. Internet, soit n'est pas encore arrivé au début, soit quand il arrive, il n'y a pas de gratuité dessus, les débits ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui, etc. Donc, les sex shops connaissent leurs plus belles années avec l'exploitation de cassettes vidéo en location en interne. Pour te dire, un sex shop, quand il loue en interne, une même vidéo, il peut la louer X fois, 10, 20 fois dans la journée. D'accord. Plus le fait que quand il la vend au prix fort. Parce qu'il faut se dire aussi qu'à l'époque, les cassettes avaient un prix et ça pouvait être entre 500 et 1200 francs. Oui, c'est un vrai coût quand même. Donc même le fait que la cassette est tournée, elle gardait son prix de base. D'accord. Donc c'était vraiment une très bonne époque. Et pour les productions aussi, puisque les productions étaient reines, et vraiment les sex shops et les vidéoclubs étaient demandeurs de porno amateurs. Les vidéoclubs avaient les grosses productions qui étaient distribuées par les grossistes, ouais. Mais pour avoir un rayon porno un peu fun, il fallait de l'amateur. D'accord, ok. Donc, pour les sex shops, c'était l'opulence, les rayons débordés de labels et de porno, et ça marchait. Donc, il y avait plusieurs réseaux. De distribution, donc. De distribution, ouais. Donc, les sex shops dont tu viens de parler. Tout à fait. Donc, les sex shops, et qui en plus recommandaient parfois les films, ce qui ne d'accord. se faisait plus oui, après. C'est C'est-à-dire que quand un film marchait, avait été vendu, il était encore de mise de pouvoir le recommander à l'éditeur. D'accord, ok. Après, dans les années 2000, c'était c'est inconcevable. Fini, ouais. Même si le film s'était vendu de oui, suite. Oui, la durée de vie n'est pas la même. Ouais, quoi. C'est fini. Donc, ils avaient des donc, cabines. Ils pouvaient racheter plusieurs fois la même cassette, finalement. Ouais. À cette époque-là, oui. Et donc, le film se louait en cabine, se pouvait se louer comme un vidéoclub en extérieur et se vendre. D'accord. Il y avait aussi beaucoup de sex shops à l'époque. Oui. Ça, d'accord, il faut... T'as un chiffre à peu près, tu te souviens? Enfin, un peu plus pour regarder. Te dire, moi, j'entendais quand on me parlait à peu près, mais vraiment là, c'est mes souvenirs, hein. À peu près 300 sex shops en France. D'accord. Sachant que dans les années 2000, j'ai vu qu'il y en avait à peu près 120 sur Paris. D'accord. Et que ça a baissé, hein, énormément. Oui. Le chiffre n'est pas fantaisiste. Voilà, d'accord, okay. Ça doit être dans ces zones-là. Il y avait aussi donc l'AVPC, la vente par correspondance. Mm-hmm. Tous les éditeurs avaient un mailing avec une clientèle, envoyaient par courrier les petits catalogues. D'accord. Et ça marchait. Et il y avait aussi quelques VRP qui prenaient du dépôt-vente à la sortie des nouveautés chez l'éditeur, dans leur petite camionnette, mmh. Et qui faisaient le tour des sex shops. Incroyable. Voilà, donc ça marchait vraiment, vraiment très très bien. Mais j'imagine qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça, les VRP, ils devaient tous se connaître. Quand même. Ouais, ils n'étaient pas si nombreux, mais ils marchaient très bien. Ouais, d'accord. Voilà, ça a été une très bonne période pour eux. Et c'était vraiment une période avec une rentabilité vraiment sympa. D'accord, donc c'était vraiment une économie ultra florissante pour tous ces petits labels. Ouais, ouais. Okay. Ça a été une décennie à peu près. Hein. Voilà. Mais c'était vraiment très très bien. Donc j'imagine que ça a monté aussi des nouvelles stars, des nouveaux noms. Mais il y avait même des stars de l'amateur, ouais. Ce qui est un peu paradoxal. Bah oui, mais bon. Et donc ce qui prouve bien qu'il y avait aussi une notion d'amateur technique dans l'esprit. D'accord. Au-delà oui. de la technique, ouais. Dans l'esprit. Et il y avait le magazine Hot Vidéo qui pouvait déterminer de la notoriété d'actrice, de label, etc. Parce qu'il était très... Il est d'ailleurs... Il est resté longtemps très important dans l'industrie. D'accord. Il était regardé. Ah oui, c'était incontournable. Et il organisait les outdoors. Oui. Ce qui était. Voilà. Oui. Ok. Ok, super. Bah, écoute, c'est pas mal pour cette partie-là. Je trouve qu'on a appris pas mal de choses. Est-ce que tu peux, du coup, nous en dire plus sur qu'est-ce qui a vraiment fait, d'après toi et par rapport à ton vécu, donc le succès du porno amateur? Alors, ce qui a fait le. On peut dire le. le succès du porno amateur, c'est que ça a été une nouvelle vision du porno. Oui. Et une nouvelle vision qui marche. Parce que c'est clair que... après, tu peux... Les gens vont te dire qu'ils veulent de l'esthétique, tout ce que tu veux, mais c'est pas vrai. Quand tu regardes un porno, les raisons, elles sont beaucoup plus concrètes. Mmh. Et le côté vraiment pris sur le vif, sans artifice de l'amateur, c'est efficace. D'accord. Voilà. Donc, en fait, il y a eu le bon et le mauvais amateur. Donc, le bon amateur, c'est vraiment les labels, les collections qui ont vraiment fait de l'amateur dans cet esprit-là. D'accord. Dans l'esprit vraiment d'une nouvelle façon de faire du porno. Mais toujours dans les deux branches, c'est-à-dire le pro-am et le vrai ouais, amateur. Oui, oui. C'est d'ailleurs, ils ont toujours existé et le pro-am a toujours été beaucoup plus répandu que l'amateur. Le pro-am, c'est quand même... Je pense que c'est plus sécurisant aussi à faire. Aussi, c'est plus simple à gérer. C'est plus simple à préparer. C'est plus simple à gérer, ouais. Après, t'as toujours, c'est comme partout, il y avait des gens, des labels qui faisaient du mauvais amateur. Oui. C'est-à-dire, en fait, ils pensaient juste faire ce qui se faisait avant avec une technique plus faible. D'accord. Okay. Donc ça donnait des choses de ridicule parce qu'ils essayaient de s'accrocher encore à vouloir faire des scénarios, des scènes super simulées, comme dans les films érotiques. D'accord, ok. Et en fait, ça s'était totalement passé... C'est parce qu'on attend dans l'amateur. Oui. L'amateur, on attend vraiment un côté vérité et cru. Tu comprends que quand il y a... Tu sais, dans les mauvais films érotiques, comme ils ne peuvent pas montrer vraiment les pénétrations, tout ça, souvent, ils font des simulations excessives, mais sur des choses qui n'ont pas de rapport avec le plaisir, puisqu'ils peuvent pas le montrer. Mmh. Donc, tu vois le mec qui va caresser l'oreille de la fille et va gémir comme c'est. Voilà. Donc, c'est un peu du n'importe quoi. C'est risible plus qu'autre D'accord. chose. Et voilà, et dans le mauvais porno amateur. Oui, ça passe pas du tout. Voilà, c'est la fin d'une fellation. La fille se passe le sexe du garçon pendant 5 minutes sur la joue en gémissant. Ça passe pas. Bon, voilà. Okay. Du coup, c'est quoi à peu près ? On est content pour elle, mais ça n'a rien de spécial. Ça n'a pas sa place dans ce genre-là, tout simplement. Non, puis ça casse tout, parce que voilà, on perd la spontanéité de ce qu'on attend de l'amateur. Mmh. Et là, on est dans des sous-productions bas de gamme. Ouais. C'est pas terrible. Excuse-moi, j'allais me dire quelque chose. Oui, je me demande, j'étais sur ma lancée. Pardon, je voulais pas te couper, mais vu que ça a l'air très clair, ça veut dire qu'il y a quand même un cahier des charges. On y vient. Donc, le cahier des charges. Alors, à l'époque, dans un film qui était plutôt, on va dire, l'accumulation de plusieurs scènes. Mmh. Parce qu'en général, c'était rare d'avoir un film entier. C'était, en fait, un thème avec 4 scènes. D'accord. Bon, par exemple, pour Prélude, les rodéos amateurs, si tu avais un rodéo amateur bourgeoise, tu avais 4 scènes où plus ou moins, il y avait forcément une bourgeoise dedans. D'accord, ok. Voilà. Ou une femme qu'on supposait riche. D'accord, ok. Elle devait avoir l'air bourgeoise. Ça m'a toujours surpris, mais les anciens m'ont toujours dit que les thèmes bourgeoises marchaient toujours. D'accord, ok. Tu mettais le mot bourgeoise, tu vois, pourtant c'est pas fou, mais voilà, ça marchait. Donc, il y avait un cahier des charges, donc il fallait... on va dire au moins une pénétration, au moins une sodo par film. Là, voilà, on était dans un cahier des charges. Voilà, pénétration, enfin une sodo, au moins de la sodo et de la pénétration. Quand il y avait une double, là, on était dans un bon cahier des charges. D'accord, ok. Parce qu'une double, ça faisait bon. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les films l'annonçaient clairement, double, en gros, sur la jaquette. Donc, voilà, il fallait qu'on ait quelques incontournables. Et ça se mariait donc avec les thèmes. D'accord, oui. Donc pour l'hétéro, donc tu peux avoir tous les thèmes que tu peux imaginer. Oui. Tu te les imagines ? Okay. Oui, je peux imaginer des choses. Donc en fait, les thèmes, c'est les mises en situation, quoi. Donc, mise en situation, puis après, ça peut être des thèmes par rapport au type de scène. Par exemple, si c'est fétiche. Oui. Voilà. D'accord. Si c'est grosse. Voilà, okay. Voilà, tu as tous les thèmes possibles, d'accord, okay. Imaginables. Et donc, tu as des scènes, tu as voilà, en moyenne 3-4 scènes par film. D'accord. Okay. Et des fois, un petit solo, comme je disais tout d'accord, à l'heure. D'accord, bonus. Si c'est un peu short au niveau d'accord. du timing. Voilà. Pas mal. Et on n'a toujours pas parlé du porno amateur gay dans tout ça. Alors, ça arrive en même temps, avant, en décalé. Le porno amateur gay, il est venu un tout petit peu après. Pourquoi D'accord. je vais t'expliquer. Parce qu'en France, le roi du porno, le pape du porno, du porno gay, okay. C'était Jean-Daniel Cadinot. D'accord. Et Jean-Daniel Cadinot, que d'ailleurs j'ai rencontré, qui était quelqu'un qui habitait. Non, mais vas-y, qui travaillait, voilà, qui avait ses studios, etc., etc. D'ailleurs, je me rappelle quand j'avais été le voir. C'était rigolo parce que donc comme il tournait des films avec tous les thèmes que tu peux imaginer pour des garçons militaires, etc., etc. Tu rentrais dans ces locaux et t'avais des tonnes de Rangers, de tenues militaires, en fait tout ce que tu pouvais imaginer pour les films. Et lui s'est toujours revendiqué avoir une ambition artistique. Et c'est vrai qu'il était photographe aussi avant de faire du porno. Il avait sa patte, il avait sa manière de réaliser. Et d'ailleurs, quand il m'avait parlé, pour te dire, il m'a dit, quand il m'avait parlé, donc on était déjà au temps de la vidéo, mais de la vidéo professionnelle encore. Hein. Et déjà, rien que tourner en vidéo professionnelle, ça l'avait. C'était une déception pour lui. Il regrettait déjà le temps de la pellicule. Okay. Donc, quand le porno amateur est arrivé, lui, il ne voulait absolument pas faire partie de ça. Il restait vraiment dans le porno qui, pour lui, était des films. D'accord, ok. Oui. Donc, c'est JNRC, avec ses solos, qui a pris la place, finalement, du porno amateur gay. Oui, voilà, tout à fait. Au début, hein, il a commencé, lui. Qui a lancé, en tout cas, ce créneau-là. Voilà. Après, en même temps, il y en avait d'autres. Hein. Un peu avant, il y a eu Anthony Axel de chez Prélude. D'accord. Voilà, donc il y en avait quelques-uns. Mais lui, en plus, il est arrivé avec une place très tranchée avec ses solos. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il n'a pas fait que ça, parce qu'après, il avait même tourné dans certains pays un petit peu... dangereux, où l'homosexualité n'était pas très bien accepté, vue, mais juste pour avoir vraiment des hétéros bruts de brut. Oui, d'accord. Lui, voilà. Il voulait de l'authentique. Voilà, de l'authentique. Et il a même pris des fois si je me souviens bien, hein, mais il a pris même des risques. Il s'est trouvé dans certaines situations assez risquées. D'accord. Mais il emmenait des produits qui avaient leur vérité, leur spontanéité. Et leur succès, du coup. Ah, mais qui fonctionnait très bien et qui méritait de fonctionner très bien. Ouais. Comme Cadinot dans sa branche à lui. Mmh. Mais Cadinot n'a jamais voulu aller dans l'amateur. D'accord. Voilà. OK. Donc, le porno amateur gay est arrivé avec différents labels. Parce que là, on est un petit peu dans le généraliste. Mmh. Autant te dire que quand tu allais dans des trucs fétiches très poussés, tu avais de l'amateur, mais on était oui, c'était dans encore une autre branche. Quelque chose voilà, de différent. Mais voilà, donc le porno gay est arrivé, je pense, un tout petit peu après le début du... Le porno amateur gay, pardon. D'accord. Un tout petit peu... Et puis finalement, il est arrivé par une branche hétéro. Parce que les solos, c'était des hétéros. C'est juste que hétéros. Du coup, ça a plu à une communauté gay. Ah, mais c'est toujours le principe. On est oui, toujours excité parce qu'on ne peut pas avoir. Complètement. Enfin, ce qu'on ne peut pas avoir, ce qu'on imagine. Parce que je peux t'assurer que des fois, ça peut fonctionner. Mais en tout cas, ce qu'on imagine, ne pas pouvoir ça avoir. Nourrissait bien les fantasmes. Et, d'accord. Et c'est ça, moi, qui me plaît. Oui, c'est les contrastes. Ouais, voilà. Moi, par exemple, mais bon, on en parlera tout à l'heure, mais je me nourrissais aussi de ces contrastes-là. D'accord. Et pour te dire au début, juste pour revenir sur Cadinot, oui. J'ai eu une petite hésitation quand je t'ai parlé de lui, mais c'est pas du tout péjoratif pour lui. C'est que j'étais resté un moment avec lui. C'est un personnage qui avait, mais un peu comme tous les artistes, parce que Cadinot est un artiste, qui avait sa complexité. Oui. Et voilà, donc j'ai... Toi, tu l'as rencontré au début de ta carrière? Tu l'as rencontré à quel moment? Moi, je l'ai rencontré, oui, au tout début. Et mais lui avait déjà de la bouteille, hein, parce que Cadinot, il a commencé tôt. Cadinot, c'est vraiment les tout débuts de la vidéo, c'était Cadinot. Bon, pour te dire, de toute façon, puisqu'il tournait en pellicule, en pellicule au début. Et en fait, c'était un petit peu rigolo parce que j'étais censé en fait être reçu par son assistant, qui était aussi son casteur. Mais en fait, c'était lui. Je ne sais pas pourquoi. En fait, il se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Et après, Il avait dit « Ah, c'est moi, Cadinot. » Ah, bah d'accord, super. Mais c'est quelqu'un, voilà, c'était quelqu'un d'important qui avait son talent. Et je te dis, voilà, tous les artistes ont leur personnalité. Oui. Voilà. Ok. Et du coup, par rapport toi à cette branche-là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et donc tes pratiques dans le porno amateur ? Ouais. Pourquoi tu es arrivé au porno et comment tu es arrivé au porno amateur ? Il y a deux choses qui m'ont fait, enfin plusieurs choses, qui m'ont fait arriver au porno. Oui. D'abord, moi, au départ, j'étais fan, donc, quand j'étais enfant, d'horreur, un peu plus ado, d'underground, et toutes mes idoles, enfin les réalisateurs underground, enfin beaucoup que je connaissais, ou même d'ailleurs d'horreur français que je connaissais, avaient fait du porno. D'accord. Donc pour moi, c'était déjà une idée d'un parcours logique, standard. Oui. Puis je me sentais vraiment appartenir à un monde décalé. C'était mon appartenance et même très tôt, même ado, même avant ado, je revendiquais ça. Mm-hmm. Ça fait partie de moi. Alors au niveau de la sexualité, il faut aussi avoir quand même des prédispositions perso. C'est-à-dire d'abord, le sexe n'a que l'importance qu'on lui donne. Très belle phrase. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui vont être choqués ou avoir des remises en question pour quelque chose de très light ou pas. Oui. D'autres, que cela ne va pas perturber du tout, c'est vraiment quelque chose de personnel à chacun. Oui. Donc le but, c'est de ne pas faire ce qu'on n'aime pas ou de ne pas faire ce qui nous met mal. Mm. Moi, j'ai compris tout de suite que pour moi, la sexualité, c'était comme une bonne bouffe ou autre chose. Enfin, ça n'avait zéro remise en question. Oui. Zéro. Et enfant ou ado, je savais déjà quelque part au fond de moi que je n'étais pas dans quelque chose de standard. Oui, ok. Voilà. Tu vois, quand ado, mettons 13 ans, quoi, je passais devant les sex shops à l'époque, etc. Il y avait ce côté mystérieux, ces rideaux à franges, oui, etc. Mais quelque part, tu vois, ce monde un peu underground, décalé, je ne sais pas pourquoi, je savais que c'était le mien. D'accord, ok. Il y avait vraiment cette j'en étais sûr. D'accord. Voilà, cette affirmation. Ok, c'était très clair. Et à un moment, donc au tout début, j'ai, par la force des choses, je voulais faire du cinéma, etc. Je me suis même présenté à une école de cinéma très connue. Ok. Dont nous tairons le nom, donc oui, par politesse. Voilà. Et bon, alors on va remettre. Il y a quelques années, l'homosexualité n'était pas vue comme maintenant. Oui, pas aussi bien acceptée que maintenant. Voilà. Mmh. Et donc, on avait un examen à faire. Donc, l'examen, je l'ai passé haut la main. Mais tout le monde pouvait le passer haut la main parce que comme c'est une école privée, il n'était pas fait pour être segmentant. Oui, du moment qu'on paye, on rentre. Voilà, c'est un examen. C'était un examen pour dire qu'il y a un examen. D'accord. Voilà. Et après, la deuxième partie, c'était qu'on devait s'entretenir avec le directeur de l'école, d'emmener un scénario et puis de parler de soi. Et moi, j'avais emmené un scénario qui était déjà décalé, trash, donc ce qui m'intéresse, enfin underground, mais un peu trash aussi, et qui parlait de mon homosexualité. Mmh. Et je me rappelle, il m'a regardé, il m'a dit, mais vraiment au premier degré, hein, c'était sans méchanceté, il me dit, mais vous êtes homosexuel et vous le dites. Oui. Très, très surpris. Et j'avais dit oui. Et après, il m'avait dit, mais ici, nous sommes une école propre. Oui, c'est violent. Donc, voilà. Et à ce moment-là, bon, il y avait une partie de déception, mais surtout, elle était minuscule comparée à la joie, parce que ça validait mon appartenance. Mmh. Et je me suis dit, non, ce n'est pas mon milieu. D'accord, ok. Mon milieu n'est pas là. Toi, tu voulais rester transgressif quand même. Oui, puis j'aimais ma marginalité, en fait. Et donc, un jour... Donc j'ai commencé à refusé à l'école et du coup comment tu as fait Alors j'ai commencé à faire des pornos tout seul, voilà, autoproduits, tout ça, qui étaient d'ailleurs des pornos gore, fantastiques, etc. Un peu trash. Oui, trash toujours. Et puis un jour j'étais chez ma grand-mère, oui, dans ma chambre, où j'avais un téléphone à cadran. D'accord. Et j'avais un haute vidéo. Et je voyais une publicité pour une production qui était très très connue à l'époque, donc la production dont je ne parlerai pas. Et comme ça, au culot, j'appelle la production et j'ai un coup de bol, c'est que je tombe sur le producteur, parce D'accord. que normalement il y avait son assistant qui répondait, oui, et là son assistant n'était pas là, c'est lui qui répond. Et deuxième coup de bol, il avait du temps. D'accord. Okay. Donc on commence à parler. Une super conversation. Et au bout à peu près d'une heure. Quand même, une heure, c'est bien. Ouais, une vraie conversation. Et en fait, au bout d'une heure, il ne savait que ce que j'avais dit de moi. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que, donc, à l'époque, pas d'Internet, pas de rien. Oui. Enfin, voilà, c'était une voix au téléphone. Moi, en plus, j'habitais, j'ai oublié de préciser, dans le sud de la France. Mm. Donc, déjà, physiquement, je n'étais pas sur Paris. Oui. Et au bout d'une heure, il m'a dit, bon, ben, allez, je vous produis un film. Super. Comme ça, sans m'avoir jamais vu. Nous, on connaît le cinéma traditionnel. Oui. On sait ce qu'il faut pour avoir quelque chose. Même oui, c'est de... très difficile. Voilà. Ouais. Donc là, c'était un vrai monsieur okay. qui avait le courage de ce qu'on peut attendre d'un producteur, oui. avec lequel on est devenu amis, qui m'a permis de travailler donc, dans sa production qui était prospère, et je pouvais faire ce que je voulais, comme je voulais, avec qui je voulais, quand je voulais. C'est incroyable, donc il avait totalement confiance. Quoi. Inespéré. Ouais. Et ça a validé le fait, en tout cas à ce moment-là, que mon monde était là. D'accord, entre okay. lui, qui représentait tout ce que je pouvais admirer, et le piètre exemple que j'avais eu de l'école. Voilà. Je m'étais dit, OK. Donc, je ne me suis pas posé de questions et j'ai travaillé de nombreuses années avec lui. D'accord. D'abord, j'ai commencé par de l'hétéro mm-hmm. pour sa collection, qui était une collection très réputée. D'accord, OK. Et puis après, bah, comme j'étais gay, j'ai dit, pourquoi pas une collection gay ? Et il m'a dit, banco. D'accord, OK. Super, voilà. Incroyable. Tu te souviens à peu près combien de films tu tournais ? Toi, c'était quoi le rythme, la cadence du coup de production pour ce monsieur à ce moment-là ? C'était assez irrégulier. Il faut pas oublier, je tournais des scènes. Ah oui, d'accord. Alors, on parle pas en film, oui, oui. on parle en scène. Je veux pas te dire de bêtises, mais j'en ai tourné beaucoup. D'accord. Voilà. Okay. D'autant plus que et en gay, j'avais une collection qui passait aussi sur le kiosque XXL. Donc qui a vraiment explosé. Et pour faire une petite aparté, quand je disais que c'était une époque prospère, comme ce monsieur mon producteur n'avait qu'un réseau hétéro, ouais. pas du tout de réseau gay, oui. ma collection gay a cartonné via le réseau hétéro. D'accord. Pour te okay. dire que tout marchait très bien. Okay. Il avait rien hein, contre le fait de travailler, bien sûr, avec le circuit gay, ouais. mais il avait juste pas de contact. Ok. Donc, il n'avait pas les canaux de distribution. Bah non. Ah ouais. Donc voilà. Et ça a cartonné hétéro. En circuit hétéro. C'est-à-dire D'accord. en tout public oui. et non pas en spécialité, en spécialisé gay. D'accord, ok. Pas mal. Et alors, comment ça se passait du coup quand tu tournais ? Comment ça se fabriquait finalement le porno amateur ? Bon, alors je vais te faire un petit récapitulatif en te disant d'abord une chose importante, oui. c'est que moi je tournais en vue de faire les deux. D'accord, donc alors, tu veux dire quoi par là ? En vue de faire hétéro et gay ? Hétéro et gay D'accord. en parallèle. Okay. Donc, faut savoir que... Mais du coup, ça veut dire que quand tu faisais les castings des comédiens, enfin des intervenants dans tes films... Toi, dans ta tête, tu disais potentiellement, ils doivent pouvoir faire les deux. En tout cas, ils pouvaient faire au moins une exhib pour les gays. D'accord, ok. C'était le deal de départ, il était clair, il était net, il n'y avait rien de détourné. D'accord. Alors, pour te dire, quand je te dis que je faisais en fonction des deux, c'est parce que les tarifs sont dégressifs. Donc les gens, c'est moins cher quand tu les payes à la journée que quand tu les payes à la demi-journée. D'accord. Alors, pourquoi je parle de demi-journée ? Parce que pour moi, après, chacun sa sauce. Mais pour moi, une scène égale une demi-journée. D'accord. Avec les Jacques ou deux et Jacques. Et le fait, en fait, de tourner une demi-journée, parce qu'il y en a qui peuvent tourner une scène carrément en temps direct, en une heure et demie ou une heure. Pour moi, on ne fait rien de bon. D'accord. Moi, quand je tourne une scène en une demi-journée, au montage, j'ai de quoi faire pour que le spectateur n'ait pas la main sur la télécommande à faire mmh. avance rapide tout le temps. D'accord. Normalement, il ne la touche pas, la télécommande. Ok, enfin, d'accord. C'est le but. D'accord. Il faut se dire aussi. Il faut se dire aussi qu'à l'époque, comme je te parlais des cabines dans les sex shops ouais. de location, les gens quand ils louaient un film, ils le louaient pour 20 minutes ou oui. une demi-heure. Donc si vraiment ils étaient en accéléré rapide ouais. dans tout le film, ils aimaient pas trop ça. Bien sûr. Et on avait des remontées. Excuse-moi, je fais juste une apportée. Oui, c'est que les producteurs, quand ils allaient voir les sex shops leur disaient le film a plu, a pas plu, il oui. y a ça qui a plu, il y a ça qui a pas plu. Enfin, voilà. Ah, super, donc, il y avait des retours en direct sur ouais, les consommateurs. Quoi. Ouais, ouais, il y avait un vrai souci de la qualité de ce qu'on faisait. Super. Et donc, voilà, les gens, comme ils sont payés de manière dégressive, autant te dire que si j'avais deux scènes à faire, une gay, une hétéro, oui. je prenais par exemple les garçons à la journée. Oui. Il n'y avait aucun intérêt à les prendre à deux demi-journées séparées, puisque les tarifs étaient plus chers. Oui, d'accord. Alors, on va venir aux tarifs. Oui. Parce que moi, je n'ai fait que du pro-am. D'accord. Okay. Je ne veux pas faire d'amateur, ce n'est pas mon truc. Je parle donc amateur au niveau, pas de rémunération pour... Enfin, au niveau acteur vraiment lambda, quoi. Voilà, au niveau acteur bénévole qui font ça pour leur plaisir. D'accord. Voilà, moi je toi, faisais... des acteurs pour moi, j'étais dans l'esprit de faire du spectacle. Je ne suis pas du tout dans l'esprit d'organiser... Oui, c'est ta manière de faire, c'est plus ton style. Puis c'est surtout mon approche. Oui. Voilà, c'est pas péjoratif du tout, hein, oui, pour les sûr. Autres. Mais moi, mon approche, c'est vraiment du spectacle. Donc, il y avait déjà plusieurs tarifs. Oui. Bon, je vais te parler des tarifs. Ah bah oui, oui, dis-moi. Donc, les grands perdants, ce sont les hétéros. D'accord, incroyable. Hétéros, garçons. D'accord. Une fille avait des tarifs premier choix. D'accord, dans okay. l'échelle de ce qu'on donnait. Un gay aussi. Pourquoi ? Parce que, un, ce sont eux qui attirent le public sur la jaquette. Oui. Donc, c'est eux qui font venir du monde. Dans un film hétéro, oui. le garçon n'est qu'un faire-valoir. Il oui. fait son job, il marche bien, mais c'est pas pour lui qu'on... Oui, c'est presque un accessoire. Voilà. Et ils en sont conscients. Oui. Donc, c'est normal, les tarifs sont comme ça. Donc, pour les garçons hétéros, ce ne sont que des faire-valoir, entre guillemets, dans la scène. D'accord. Mais, attention, ils ont aussi une contrepartie. C'est qu'ils peuvent tourner beaucoup. Parce que quand tu es un faire-valoir, on s'en fout que tu sois toujours le même. Oui, on reconnaît moins sa tête, finalement. Ben non, mais c'est juste qu'on s'en fout. Ouais. Non, un acteur hétéro, c'est la fille qui compte. Oui. Donc, s'il y a toujours le même acteur, ça va, ça ouais. dérange personne. Par contre, la fille ou le garçon gay, ouais. les gens, quand ils prennent une cassette pour ça, ils veulent du nouveau à chaque fois. D'accord. Et il y avait une deuxième chose, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, tu passes une annonce pour de l'hétéro, t'en as, en veux-tu, en voilà. D'accord. Oui. Si tu es dans un critère physique standard, oui. mais t'en as une... Ah ouais? Ah, les tarifs, bah, t'en as plein qui disaient je suis fait affaire gratuit, etc. etc. Enfin, il y avait une quantité astronomique. D'accord. Okay. Moi, c'était différent parce que moi, j'exploitais pour des solos aussi, j'avais des critères physiques. Oui, qui devait plaire aux hétéros et aux gays. Voilà. Alors, donc, les critères physiques, il fallait qu'ils aient un certain âge. Pour moi, ma tranche d'âge favorite, on va dire, c'est 20-28. D'accord. Okay. Pour le... C'est précis. Ouais, c'est précis, mais c'est là où c'est... Voilà, c'est ma tranche d'âge pour les garçons que j'utilisais dans tes films. Dans les films. D'accord. Et il faut aussi qu'ils aient un très bon physique. Oui. Voilà, ça c'est important, un physique capable d'attirer du monde. D'accord. Via la jaquette. Comme gay, Via la jaquette. Parce que d'accord. je vais te venir tout à l'heure, mais le seul moyen de diffusion. De vente. Le seul moyen de vente, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, c'était la jaquette. La com reposait principalement là-dessus. Ouais, donc on est là pour les tarifs. Hétéro, tant pis pour eux. Bon, ils prennent ce qu'il y a. Fille et gay. C'est très bien. Mais sachant que les hétéros peuvent tourner beaucoup plus. On peut d'accord, les rappeler toujours, tout le temps. Donc, voilà. Oui, donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Enfin, ouais. J'ai mal choisi ma formulation, mais bon. C'est ça. Donc, les postes, d'ailleurs, chers, donc, comme je t'ai dit, c'est important parce que dans un budget, oui. c'est la jaquette. D'accord. Ça peut paraître un peu désuet aujourd'hui, mais ce qui fait vendre, ce qui fait louer, ce qui est mis en avant, que ce soit dans les catalogues de vente par correspondance ou dans les sex shops, oui, c'est la jaquette. C'est la jaquette. Donc, oui, puis l'impression coûtait aussi à l'époque. Ben c'est ça. C'était de l'impression quadri, oui. donc ça avait un certain prix. Il n'y avait pas comme aujourd'hui le fait de pouvoir faire sa maquette soi-même. Oui. Donc dans l'imprimerie, il y avait une personne qui faisait la maquette. Oui. Et donc ça avait un coût. Et d'autant plus que tu ne peux pas... imprimer, si tu sors 400 cassettes, en général, tu imprimes par 1000. D'accord, tu vois, oui. pour les prix. Ouais. Donc, ça peut paraître un peu désuet, mais c'est un budget important. D'accord. Un autre budget important, d'ailleurs, donc là, à travers ces budgets, tu vois un peu l'organisation des trucs, c'est les castings. D'accord. Alors là, on y vient. Corde sensible. Alors, ouais, c'est compliqué. Donc, d'autant plus pour moi, qui veut donc des acteurs. Parce que les castings de filles... C'est simple ben c'est simple parce que pour les filles, tous les physiques plaisent. D'accord, oui. C'est génial. Oui. C'est-à-dire, quel que soit l'âge, il y a des gens qui aiment les femmes mûres, des gens oui. qui aiment les femmes fortes, des gens qui aiment... Enfin, t'as tout... D'accord, voilà. Tout plaît. Tout plaît, et c'est super. Et c'est pratique. Oui. Donc, et en plus, elles peuvent simuler. Oui. Donc c'est quand même... Voilà, t'as même pas le truc de dire est-ce qu'elle va marcher ou pas. Voilà, du oui. moment qu'elles sont volontaires et qu'elles viennent pour tourner, c'est qu'elles sont... Voilà, qu'elles sont OK pour tout. La seule chose, moi, que je vérifiais, c'était bien sûr, bon, on vérifie toujours l'âge, c'est très oui. important. Hein. Oui. Et le fait de faire des castings, d'ailleurs, ça permet de pouvoir avoir leur carte d'identité pour vérifier l'âge. Oui. Oui. Même si tu leur demandes avant, mais enfin, de visu, t'as oui, la oui, vraie carte. Oui, il faut avoir la preuve quand même. Oui. Voilà. Et puis qu'elles étaient bien dans leur peau et qu'elles faisaient ça pour les bonnes raisons. Oui. Voilà. Moi, je te dis, même une fille qui avait un... Parce que moi, quand je voyais un acteur, je voyais la jaquette. Tout oui, d'accord. Donc, même une fille qui a un très, très bon physique, qui me disait, ouais, je fais ça parce que ma vie ne vaut rien, enfin, des trucs oui. un peu bizarres. Et bien, dans ces cas-là, même si je savais qu'elle allait forcément peut-être tourner avec quelqu'un d'autre, en tout cas, elle ne tournait pas avec moi parce d'accord. que moi, on est là pour faire des films avec des gens bien dans leur peau qui, oui. qui le font avec... plaisir et volontairement, et non pas pour des personnes qui sont dans des mauvaises passes, oui. et que le fait de tomber encore plus bas, ça ne va rien résoudre. Donc, oui, oui. Voilà, pas de ça. Oui, pas de ça. Raison. Donc, pour les filles, c'était très simple. En plus, comme les filles étaient organisées, oui. parce que les filles ont un côté plus professionnel tout de suite, d'accord. donc elles venaient te voir. D'accord, même okay. quand tu passais pas de elles candidataient casting. Spontanément. Voilà, tout à fait. Elles étaient, comme tu dis, proactives. D'accord, ok. Et du coup, c'était quoi? C'était pour faire un job? C'était un c'était job alimentaire, soit un job, soit un à côté. Soit certaines, parce que les filles dans le pro-âme, ouais. les filles, c'était un peu de... alors, c'était pas des guests, puisque sinon, les guests, on voyait tout de suite qu'elles avaient rien à faire oui. dans l'amateur, oui. ou que c'était fake. Mais il y avait quand même quelques guests qui faisaient des apparitions comme ça. D'accord. Mais les filles, c'était un peu des entre guillemets, ce qu'on disait, des locales ou des actrices d'accord, qui n'avaient okay. avaient pas de grandes carrières, mais qui, des fois, pouvaient en vivre, combiner un peu du strip dans certaines d'accord, boîtes okay. ou des trucs comme ça. Elles arrivaient à en vivre plus ou moins, ou en d'accord. un côté, enfin, chacun sa sauce, quoi. Oui. Voilà. Donc, les filles, c'était très facile. D'accord. Et en plus, comme elles faisaient ça pour l'argent, c'était clair. La plupart du temps, hein, moi, ouais. j'ai vu une fille, une fois, qui faisait ça pour le plaisir. Une. D'accord, okay. Mais okay. comme elles faisaient ça pour l'argent, c'était ça. On sait pourquoi elles font. Elles ont un but précis. Enfin, voilà, oui. c'est clair. C'est clair, c'est précis. C'est clair, c'est net. Et encore une fois, c'est volontaire et oui. bien vécu. Oui. C'est des gens pour qui il faut... Parce qu'il faut imaginer que pour eux, le sexe, et c'est mon cas, ça n'a rien, aucune remise en question. Ouais. C'est comme aller faire un repas. Ouais. Voilà, comme je dis, okay. ça n'a que l'importance qu'on lui donne. C'est vraiment important de... D'avoir des gens clairs avec ça et qui l'assument simplement. Ouais. Et d'ailleurs, et j'en finis avec les filles, une fois pour toutes. Non, non, bah, écoute. J'entends souvent des discours que le hard, justement à ce niveau-là, est avilissant pour les femmes, blablabla. Là aussi, il faut contextualiser. On est, pour nous, en tout cas moi je parle pour moi, d'accord. on était dans un jeu de rôle qui n'avait aucun rapport avec le respect qu'on pouvait donner à la personne. C'est-à-dire chez moi, tout le monde est respecté, etc. Même si pendant la scène, et c'est ce qu'on aime, c'était oui. un peu cocasse et cru oui. au niveau du dialogue. Et pour aller plus loin dans l'exemple et te montrer à quel point c'est pas des fois ce que les gens imaginent, en tout cas ça n'était pas chez moi, c'est que par exemple on peut avoir des scènes où 3-4 garçons étaient avec une fille avec le côté cru qu'on a envie d'avoir dans le porno. Mais l'après-midi, ces garçons tournaient du gay ou c'est eux qui se faisaient... Malmenés. Donc, et ils disaient, OK, c'est moi l'après-midi. Enfin, tu vois, oui. ce n'était pas plus compliqué que ça. Oui, okay. Voilà. Des fois, les gens donnent plus d'importance. Et voilà, est-ce que oui. ne peut être vraiment la scène qui n'est qu'une scène okay. Et d'ailleurs, quand tu tournes ce style de scène, si ça te remet en question, t'en tournes plus. Ah, oui, parce que t'en sûr. Fais une et t'es mal à vie. Ah, oui, oui. Par contre... quand on a, nous, terminé une scène, on boit un coup, on rigole et on inverse les rôles après. Enfin, je d'accord. veux dire, c'est pas okay. plus compliqué. Oui, donc il faut des gens bien dans leur tête qui assument et qui voilà. fassent la part des choses très simplement. Mais, et moi, je la faisais. D'accord. Voilà. Donc, c'est important. Ouais, on a fini là pour les filles. Ok. Ah, On va passer aux garçons. On en arrive aux garçons. Enfin. Alors, les garçons, donc, les castings. Donc, il fallait que je trouve des garçons qui avaient un très bon physique. Entre 20 et 28 ans. Qui avaient la bonne tranche d'âge, qui marchaient bien et qui étaient aussi OK de faire une exhib pour garçons. D'accord. Quitte à tourner après de l'hétéro. Mais on n'oblige personne à tourner du gay. Hein. Mais oui. Au moins une exhib pour garçons. Donc des jeunes garçons, vous, bien faits, avec une séduction universelle. Oui, parce que moi, ma séduction universelle, c'est un naturel et une spontanéité aussi. Oui. Voilà. Et donc, comme c'est casting, je vais te raconter, c'est la croix et la bannière pour arriver là, histoire de ne pas perdre du temps, ben, ces solos, ils le faisaient le jour du casting. D'accord. Si ça marchait, ils étaient payés. Et eux, ils n'avaient pas fait le casting pour rien. Ouais, hein. Ils amortissaient le temps passé. Et puis pour moi, j'amortissais aussi parce que j'avais une scène. Ouais. Parce que le casting, là, c'est cocasse et c'est long. D'accord, ok. C'est parti. Je passais donc des annonces sur des journaux gratuits généralistes. D'accord. Je sais pas si tu connais ça, mais à l'époque, il y avait des journaux qui mettaient dans la boîte aux lettres où il y avait des offres d'emploi, vente de voitures, vente immobilière, enfin, tout quoi. Bon. Et là-dedans, donc, il y avait des annonces, et souvent, parce que je n'étais pas le seul, donc pour des castings X. D'accord, ok. Donc on passait des annonces comme ça, et on recevait des candidatures par courrier. Oui. N'oublie pas d'Internet, ouais. Donc par papier. Et on en recevait beaucoup. Moi, il m'est arrivé d'en recevoir, je peux te dire, au moins une centaine. Annonce, quoi, à peu près. Ouais, enfin, dans les bonnes annonces. Quoi. Mais, d'accord. Ouais, c'était pas rare. Okay. Quand je recevais le courrier, donc il faut te dire que, mettons, sur 100 lettres, déjà la moitié, le physique, c'était pas possible. D'accord. Pas possible avec ce qu'on attendait. C'est pas péjoratif pour les gens. C'était mais pas assez proche de la séduction universelle. Ben, de ce qu'on attendait pour le film, voilà. Et pour la après, jaquette. Après, ça peut être des gens, voilà, ça peut être des gens très séduisants, très intéressants, tout ce que comprends. Tu veux. Mais là, on mise sur le physique, voilà. Donc c'était pas possible. Donc il me reste la moitié. Donc dans la moitié qui me reste, t'en as une grosse partie qui est soit des canulars. Soit des gens qui se sont fait vivre un frisson. D'accord, ok. Qu'un jour, soit trop excité, allez, je me lance, on franchit le pas et c'est retombé quand ils ont posté la lettre. Donc, mais ces gens-là, fallait les appeler pour le savoir. Oui. Parce qu'ils laissaient tous leurs coordonnées. Mm-mm. On était dans la période où le téléphone portable, les communications étaient très chères. D'accord. Les gratuités, tout ça, t'oublies. Et c'était très cher. Donc c'était un vrai budget d'appeler tout ce monde. Mm-hmm. Dont la grosse majorité, ça ne servait à rien. D'accord. Et je passais du temps avec tout le monde. D'accord. Alors des fois, tu arrives à cerner, surtout quand c'est des canulars, quand tu entends la voix étranglée de rire au bout de 3 minutes, bon, c'est bon, ça te fait gagner du temps, tu vois. Mais, c'est quand même du temps passé au téléphone, coûteux. Mais 3 minutes, je m'en sortais, hélas, pas aussi bien tout le temps. Parce qu'il y en a certains, c'était compliqué. Compliqué, ça tournait un peu en rond. Donc, premier tri violent. Premier déjà tri très violent. Il ne reste plus grand-chose. D'accord. Okay. Donc là, on va arriver au casting. Donc sur 100, juste pour avoir une idée, même si tu n'as pas le chiffre exact. Allez, sur je vais 100, te dire, il m'en reste 15 au casting. D'accord. Ok, ouais, donc ce n'est pas beaucoup. Voilà, ou 10 ou 15, entre 10 et 15. D'accord. À peu près 10. Le casting, quoi. Ouais, va me permettre de déjà voir ceux qui viennent, c'est que vraiment, ils sont décidés. Oui. En général, je n'ai jamais vu personne venir au casting et se dégonfler après. Oui. Ça n'a pas d'intérêt. Et puis de voir s'il marche. Ouais. Parce qu'hélas, les garçons, il faut... Il ouais, faut que ça fonctionne vite. Donc, on organisait ces castings. Et là, si j'enlève donc un peu ceux qui ne venaient pas d'accord. et un peu ceux qui ne marchaient pas, ouais. ben, s'il m'en restait 3 ou 4, je pouvais m'estimer heureux. Ok, et très peu, quoi. Voilà. Et, donc, et là, on faisait par contre les solos. Ouais. Je récupérais les photocopies des cartes d'identité et les cartes d'identité. Donc, ce qui me prouvait, parce que c'était très important, hein, c'est une époque où... Oui, il faut se protéger, il faut protéger la production aussi. Oui, parce que les productions, vraiment, devaient être blindées à, ce, niveau, à ce niveau-là. Donc, et d'ailleurs, même pour te dire, quand on tourne une scène, quelle qu'elle soit, on a le contrat où est mentionné l'âge de l'acteur et qu'il signe. Ouais. On a sa photocopie de la carte d'identité. Même si l'acteur tourne 10 fois avec moi, j'aurai 10 fois la photocopie et le contrat. D'accord. Et avant chaque tournage, pareil, même si l'acteur j'ai tourné 10 fois avec, on le filme. Il tient sa carte d'identité devant son torse. Oui. Et il dit, je m'appelle machin chouette. Oui, oui. J'étais là. Je suis né le. Oui. Et j'accepte de tourner ce jour pour telle production. D'accord. Et j'en accepte les conditions. Ok. Oui. Voilà. Donc blindé à fond. Ouais, mais c'était. Puis c'était bien pour oui, c'est mieux. Tout le monde. Donc tu vois, ce casting en soi, c'était vraiment. Ouais, un vrai chemin de croix. Un vrai chemin de croix. Mais après, il fallait les former. D'accord, ok. Pour ceux qui marchaient. Ouais. Alors, soit en général, ils faisaient une exhibe ou deux. Moi, je demandais deux exhibes hétéros. Gays. Pour les gays. Ouais. Voilà. Je demandais deux exhibes, mais il y en avait beaucoup qui, après, me disaient passer pour essayer le gay. D'accord, ok. Et en général, ça marchait bien, donc c'est qu'ils ne faisaient pas ça pour rien. D'accord. C'est quoi, des hétéros curieux, quoi. Voilà, oui, oui. Mais souvent, c'était d'ailleurs des hétéros avec une petite pointe bi. D'accord. Mais par contre, ils se lâchaient. C'est ceux que j'ai connus qui se lâchent le plus sur les scènes et qui assument le plus tout. D'accord, ok. Et oui. Ça donne un contraste qui fait ma recette. D'accord, ok. Entre, parce que moi, je voulais une spontanéité, des jeunes vraiment très naturels. Okay. Donc, ça pouvait souvent sport-études, tu vois, le truc. Le profil, ouais, voilà. Très clair. Donc, vraiment souriant, qui représente vraiment une joie de vivre, etc. Et qui, pendant les scènes, alors qu'ils ne représentent pas du tout ce qu'on pouvait attendre d'un soumis ou quoi que ce soit, ouais, vont faire des choses à l'opposé de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Et là, ça marche. Okay. Et moi, je te dis, pendant certaines scènes, des fois, d'ailleurs, ils allaient encore plus loin pour me faire plaisir, parce qu'il y avait une vraie complicité. D'accord, ils allaient encore plus loin que ce que je pouvais attendre. Okay. Et je me disais, ah là, c'est bon, on tient une bonne... Au-delà de la complicité, ça voulait dire aussi qu'ils étaient vraiment à l'aise de travailler avec toi, finalement. Ils étaient à l'aise. Il y avait une vraie... Puis il y avait un vrai côté sympa... Il y avait une vraie sympathie. Oui, il y avait une confiance d'installer. Complète. Donc c'était sympa de tourner avec toi. Et mérité. C'était, je pense, super sympa. D'accord. Et ça se sent. Mais en fait, au-delà de ça, on plaisante sur le truc, mais en fait, ça se sent. Oui. Et comme la collection gay que je faisais était censée être, c'était des copains entre eux, etc., qui se retrouvaient. Okay. Et ça dégénérait toujours. Oui. C'était le principe du truc. Mais ça marchait très bien. Bah d'autant plus que si c'était des hétéros donc curieux, ouais, qui découvraient aussi des scènes gays, oui, et ben là ça marchait, tiens, j'imagine. Là, tu m'as dit un truc. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? Et qui est très important. Oui. C'est que moi, je voulais toujours que la première scène avec moi, oui, ou avec d'autres, parce que je vais t'expliquer, j'étais aussi acteur, oui, pourquoi j'étais acteur, oui, se fasse devant la caméra. D'accord. On sentait quelque chose quand c'était la première fois, et okay, j'aimais. La gêne ou. La gêne, on sent, il y a quelque chose, et j'aimais ça. Donc, ces acteurs, fais-moi penser après, je t'explique pourquoi j'étais acteur aussi. Oui, ça marche, je te dirai ça après. Donc, ces acteurs, il fallait les former. Oui. Parce que c'est un métier, d'accord, d'être acteur. Donc, qu'ils fassent que de l'hétéro, ou du gay et de l'hétéro, il fallait les former. Et il y a plein de petits détails, c'est d'accord, pas grand-chose, mais il faut les savoir. Oui. Parce qu'une fois que tu tournes, tu ne peux pas revenir toutes bien les deux sûr minutes. Ouais. Est-ce que tu veux un petit exemple? Je vois ton petit sourire que les auditeurs ne voient pas. Je m'interroge, voilà tout. Donc, un petit exemple tout simple. Mais c'est vraiment plein de petites bêtises comme ça, mais il y en a beaucoup. Oui, qui montrent que c'est un métier et que ce n'est pas anodin. Par exemple, lors d'une masturbation, oui, masculine. Je t'ai dit, on a oublié les filles. Oui, j'ai bien compris. Lors d'une masturbation masculine, au moment où la jouissance arrive, il faut ralentir. Parce que si l'acteur continue à la même cadence, tu ne vois même pas le sperme sortir. D'accord. Ça part dans tous les sens, en image subliminale, tout raté. D'accord, ok. D'accord, ok, oui. Donc c'est un peu le truc et astuce pour la conclusion qui se passe bien, quoi. Voilà, il et c'est plein de petites choses comme ça. Et d'ailleurs, je me rappelle une fois, il y en a un qui ne m'avait pas écouté, je n'ai pas vu où était passée l'éjaculation, j'avais un t-shirt noir, et j'ai compris après où elle était passée. D'accord, ok. Je ne l'ai même pas vu. Bon. Pas mal. Donc, par exemple, pareil, leur manière de se positionner. Oui. Quand il y a des pénétrations, tout ça, si t'as un mur ou oui, selon comment t'es, tu te positionnes pas de façon à ce que je ne vois rien. Oui. Voilà. Donc, sinon, faut que tu puisses passer. Je suis content pour eux, sinon, mais ça m'arrête là. Je suis pas content pour moi. Il faut quand même exploiter l'image. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, c'est plein de petits détails comme ça. Et en plus, je leur apprends ce que j'appelle la semi-improvisation. D'accord. Parce qu'on n'a pas des textes. mais comme je te disais, on parle beaucoup. Oui. Donc, on fait de la semi-impro. C'est-à-dire, voilà, mettons, je tourne avec toi. Oui. Je te dis, ben, Virginie, on est amis, on se connaît de... Alors, moi, à l'époque, bon, toi, tu es encore jeune, mais moi, j'avais l'âge, je peux dire. Vas-y. On est potes, on se connaît là et tout. Je t'ai invité à la maison pour ton anniversaire. Et voilà. Donc, je te donne les grandes lignes. D'accord. Et après, quand on parle, tu réponds. Et ce qui met les acteurs à l'aise, c'est que je leur dis, mais si tu bafouilles ou que tu hésites, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on fait dans la vie. Okay. Donc ça enlève un stress, et en général, ils sont très bons. Et il y avait une telle complicité que vraiment, si tu voyais mes films, tu pouvais signer qu'on était des membres de potes depuis toujours. D'accord, on y croit. Okay. Ah, mais vraiment. Ok. Donc voilà, semi-impro, les petits détails et tout, puis pardon, la spontanéité, la ponctualité, tout ça, c'était important. Bien sûr. Et est-ce que tu avais du coup un style de lumière particulier? Comment tu faisais, toi? Parce qu'il y avait déjà les passages, donc tu leur apprenais à se positionner pour aller les voir, mais il faut quand même voir, je veux j'imagine. Aucune ombre. D'accord, ok. C'est pour ça que les films en extérieur à cette époque-là, souvent pêchés par le fait qu'il y avait, il y avait la lumière du soleil. Donc au niveau des pénétrations, tu avais des ombres, tu voyais rien. Donc déjà, nous, on tournait avec... C'était des halogènes à l'époque, on n'avait pas les LED. Donc il y avait beaucoup d'halogènes, donc il fallait déjà des décors assez grands. Oui. Si on tourne dans une pièce, on demande rien de fou, mais assez d'espace pour qu'on puisse respirer. Bien sûr, puisque des fois, il y a du monde. Pas d'équipe technique, mais les acteurs, moi, mon assistant et les halogènes. Et les halogènes, il y en avait partout. Plus une torche sur la caméra. D'accord, ce qui fait qu'il y avait zéro ombre. On est dans le cauchemar du chef opérateur de cinéma. Okay. Mais pour moi, c'était un important. Je voulais un côté clinique. D'accord. Chirurgical. Ok. Très bien, c'est clair. Tu vois. Donc ça, c'était vraiment primordial. Pour pouvoir... Pour toi, pour toutes tes captations, aucune ombre. On devait tout voir. Ouais. Et donc, tu leur apprenais à bien se positionner, à aussi avoir spontanément ces dialogues un peu improvisés sur les thématiques du coup, des scènes qui étaient à tourner. Toi, tu avais donc tous ces halogènes partout, donc ils tournaient entre 40-45 degrés à peu près Celsius dans chaque pièce. Quoi. Et j'avais ce qui était très dur à trouver, mon photographe assistant. Ah oui. Pour Et pourquoi c'était très dur? Dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, les jaquettes primordiales, donc pour de bonnes jaquettes, de bonnes photos. Oui. Donc, il faut un bon photographe, mais pas un vrai photographe. Bah oui. Parce qu'au niveau budget, ça explose le budget. Donc, il faut quelqu'un qui fasse de bonnes photos, un passionné, et qui a une vision assez professionnelle du tournage pour ne pas venir se rincer l'œil. Oui. Parce que ça, en plus, ça met tout le monde mal à l'aise. Bien sûr. On le ressent. Oui. Et moi, donc, j'avais Fabrice. D'ailleurs, je le salue. Hein, bonjour Fabrice. On te salue. Donc, qui était un ami. D'accord. Et donc, il venait avec cet esprit professionnel, qui était donc un très bon photographe amateur et aussi qui avait du temps. Parce que comme on tourne en journée, quelqu'un qui a un job normal ne sera jamais dispo. Pas venir, Donc, il faut trouver aussi quelqu'un qui soit totalement disponible. Mm-hmm. Fabrice. Okay. Qui est et aussi qui, mon assistant, un peu régie, tu vois. D'accord. Et voilà, donc il avait la chance d'avoir des activités qui lui laissaient donc une totale liberté en journée. Liberté pour organiser son temps. Il avait une optique sérieuse et professionnelle. Mais donc il faisait la part des choses. Il prenait de bonnes photos et je pouvais lui faire confiance. Et on a travaillé beaucoup ensemble. On a traversé des grands comme des moments plus sombres parce que des fois, certains tournages, c'est un peu plus compliqué que d'autres. C'était un exemple. Ça, c'est partout pareil. Un tournage un peu compliqué avec Fabrice, donc. Ben, en fait, les tournages compliqués, c'est les tournages où il manque un acteur. Ah, d'accord, ok. Parce que là, en fait, il faut te dire que quand on organise un tournage, on organise toujours des combinaisons différentes. Oui. C'est-à-dire, si j'ai l'acteur 1, l'acteur 2, l'acteur 3, je fais 1 et 2, 1 et 3, 3 et 2. Oui. Mais je ne peux pas refaire des combinaisons qui ont déjà été faites. Bah oui. Tu vois. Donc quand il manque un acteur, c'est comme un Rubik's Cube, là, tu D'accord, sais quoi en faire. Et d'ailleurs, j'en reviens, pourquoi moi je suis devenu acteur? D'accord, ok. Tu vois, tu y as pensé toute seule, tout seul, c'est formidable. Mais en fait, on est beaucoup dans ce cas-là, vraiment. Oui. En fait, c'est pas une décision, tu dis pas au début, je vais faire aussi acteur, non. Mais ça vient naturellement. Oui. Pour plusieurs raisons. Un, au début, dans les castings, tu prends du monde pour tester. tu te trouves tellement de castings où tu te prends des vents, où il n'y a personne, ouais. qu'au début, tu commences à dire, bon, ben, je les teste moins. Voilà. Ouais. Bon, ça évite de dépasser un acteur pour rien. Bon, première chose. Deuxième chose, les combinaisons. Ouais. Parce que si je me rajoute dans la combinaison, ça multiplie les combinaisons. Oui, bien sûr. Il y a moins plus un, moins plus deux, moins plus trois. Ça fait plus de possibles. Ouais, donc plus de scènes. Plus de scènes. Et puis, il y a aussi le fait que pendant qu'on tourne, surtout quand on est de l'amateur, déjà, moi, je mets l'ambiance avec ce que je dis. J'apporte une plus-value perverse avec ce que je dis. Donc, je parle en direct, d'accord. déjà. Mais aussi, ça me permet... Tu vois, on ne fait pas des coupures quand on tourne. Je ne peux pas dire... On perd du temps et on casse le rythme si je dis « Attends, bougez-vous, mettez-vous comme ça » en coupant la scène. Ouais. Le fait de faire partie de la scène en tant qu'acteur fait que je parle en direct. Oui. Je dis, retourne-toi, mets-toi comme ça, mais on oui, puis continue. Plus subtilement, tu les replaces. Puis on continue à tourner, ça fait oui. partie de la scène. Oui. Donc on gagne en temps et en efficacité. Et en aisance, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, en fait, aisance, tu les places manuellement. En perversité, ouais. parce que j'apporte cette plus-value perverse. C'est ça, ton bavardage, c'est ça. Le fait d'être un bon réalisateur X, c'est de l'artisanat. Oui. Donc, il y a ce côté technique, blablabla. Mais au-delà de ça, au-delà de cette organisation, de tout, on apporte une plus-value perverse. D'accord. Si tu filmes un couple, le plus beau soit-il, fille, garçon, garçon, garçon, fille, fais ce que tu veux, ça n'a pas trop d'intérêt. Oui. Voilà. Si tu les filmes juste en train de faire l'amour. D'accord. Pour faire vraiment les collections qui marchaient dans l'amateur et qui fait que les gens sont prêts à payer plus parce qu'ils veulent voir ta collection à toi, etc., c'est quand t'emmènes une plus-value perverse. D'accord. Après, chacun s'y retrouve, chacun ses goûts. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont préférer Pierre, Paul ou Jacques selon leurs oui. affinités personnelles. Mais toi, t'emmènes une plus... Et moi, c'est ce que je faisais. J'emmenais une plus-value, une perversité en plus. D'accord. T'as un exemple comme ça ou pas ? Alors, qu'est-ce que tu pouvais dire justement qui, hop, tout d'un coup, allait ramener cette perversité ? En fait, ça tient à peu de choses. Alors moi déjà, j'ai emmené une sorte de domination tout public. Moi, mon créneau, d'accord. c'est la domination. Okay. On venait par là, verbal ou autre. Hein. On n'est pas dans le SM. Hein. D'accord. Domination, c'est autre chose. Avec justement des gens, parce que moi, justement, les trucs... Alors, personnellement, la domination avec des gens qui sont très lookés, SM, machin... C'est pas ton truc. Ben, ça m'intéresse pas. Et moi, et d'ailleurs, ça plaisait à mon public, j'emmenais justement l'inverse, c'est-à-dire des jeunes BCBG, sport-études, etc., qui faisaient des trucs super fétiches. D'accord, ok. Et ce contraste, ça plaît. D'accord. Voilà. Et donc, pareil, une scène, des fois, il m'arrivait de dire, par exemple, un acteur, pourquoi c'est toi une scène perverse ? Et il me disait, par exemple, dans un ascenseur. Ouais. Bah, y a rien de pervers. Y a rien de... Ouais. Ou avec deux filles. Ouais, super. Et alors ouais. C'est des trucs mathématiques que tu changes, mais il n'y a rien de pervers. Alors, pervers, ce n'est pas forcément fou. C'est une manière d'aborder les choses. Et tu vois, par exemple, si tu as une scène avec deux filles et un garçon, s'il y en a une qui est au lit avec le garçon, et tu sais que les deux filles sont très amies, et qu'une est très gênée, qu'elle est assise un peu plus loin, qu'elle regarde, oui. qu'elle est très gênée de voir sa copine faire ça, et sa copine aussi, et qu'elle commence à se toucher timidement, etc. etc. Là, d'accord. tu rentres dans quelque chose de décalé, qui emmène une perversité. Voilà. Et ben, c'est pareil pour tout, et tu d'accord. peux perverser. d'accord. Parce que tu veux, okay. mais le spectateur... En fait, c'est inconscient, parce que le spectateur n'analyse pas comme on pourrait analyser un film de cinéma. Oui. Mais il se ressent qu'après ce film, il peut avoir envie de le voir une deuxième fois ou une troisième fois. Il y a quelque chose qui l'excite d'accord. et qui reste. C'est inconscient. Moi, le producteur pour lequel je travaillais, quand il tournait ses films, c'est parce qu'il tournait aussi en tant oui. qu'acteur, et souvent pour les mêmes raisons que moi, et que producteur. Quand la scène était terminée, il continuait à laisser la caméra tourner afin qu'on voit la fille très gênée se rhabiller dans son coin. D'accord, ok. Mais tu vois, c'est cette gêne-là, ça se sent et ça emmène une c'est excitation. C'est ça qui amène le plus, oui. Voilà. Ok. Donc, tout ça... Oui, donc c'est un vrai métier, en fait. Il y a vraiment des codes... C'est un vrai métier pour moi. Précis. Voilà, on a tort quand les gens... Parce que des fois, les gens ironisent sur le porno en disant « c'est pas de oui. l'art ». Mais le porno ne prétend pas être de l'art. Oui. Par contre, c'est un vrai métier artisanal. Et il faut bien le maîtriser, oui, pour faire quelque chose qui marche. Et d'ailleurs, à cet effet, j'ai rencontré souvent des étudiants qui sortaient d'école de cinéma et qui disaient « Ouais, nous, on est super technique et tout, donc on va pouvoir faire un porno mieux que les autres. Oui. » Mais qui n'avaient pas le savoir-faire et le métier du porno. Donc, ils tournaient techniquement des scènes d'amour, oui, qui n'avaient aucun intérêt. Et en général, ils se plantaient, on ne comprenait pas pourquoi leur film ne marchait pas, oui, mais c'est simplement parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Oui, ils n'avaient pas les codes du savoir-faire, finalement, du porno. Ok, très bien. Je reviens juste sur un truc. Donc, tu nous as expliqué que les comédiens, ils étaient aussi... Enfin, tu les formais un petit peu pour qu'ils apprennent à bien se positionner, pour que tu puisses passer, etc. Et que même toi, quand tu intervenais dans les scènes, subtilement, tu les ramenais ou tu les positionnais différemment pour capter l'image qui, toi, t'intéressait. Mais j'imagine que pour pas le photographe... Pas forcément subtilement. Oui, d'accord. Ok. Excuse-moi. Ok. Et du coup, j'imagine que pour le photographe, comment ça se passait, du coup? Tu lui apprenais aussi, parce qu'il pouvait pas... Fallait qu'il se place au bon moment, fallait... Je lui ai appris la manière... Déjà, j'ai appris les codes des photos de jaquette. Oui. C'est un jaquette, là, grosso modo. Hein. La grosse photo... côté face, et des petites photos avec du texte derrière, au verso. Ouais. Mais il y a des codes. Donc voilà, j'ai appris le style de prise qui plaise, et puis comment les prendre sans arrêter un tournage aussi. Ouais. On faisait des fois quelques photos posées, surtout, on faisait des photos posées, mais hors condition de sexe. D'accord. C'est-à-dire la fille ou les garçons nus, avec une pose sympa, etc., ouais, qu'on pouvait exploiter. Mais par exemple, quand une fille est... ou un garçon d'ailleurs, parce que pourquoi être sexiste, fait une fellation, si tu le fais arrêter pour poser ça devient bizarre. En attendant d'attendre, etc. Ouais. Il est comme obligé de continuer l'action. Oui, ça donne un côté vivant. Sinon, on retombe dans le côté cheap surfait. Je comprends. Ouais. Voilà. Qui n'est plus du coup du programmateur. Okay. Pareil pour les... J'avais une petite anecdote, mais est-ce que je te l'ai dit ? Bah oui, moi je suis toujours curieux des anecdotes. Mais c'est pareil pour les éjacs. D'accord. Les éjaculations, alors les acteurs, ça dépend. Alors chacun a son nombre d'éjacs. Après, on se connaît. Hein. D'accord. Par exemple, j'en avais un, je savais qu'il me faisait une première éjac au bout de 10 minutes, mais qu'après, on faisait une autre à la fin de la scène. Donc c'était juste une éjac bonus. Okay. Parce qu'un acteur, par scène, je lui demande une éjac. Donc voilà. Mais le problème, c'est que des fois, ce qui est le plus laborieux, c'est en fin de scène. Donc les acteurs, bien sûr, le fait qu'ils marchent bien, il faut non seulement qu'ils aient une érection bonne et rapide, parce qu'on ne peut pas perdre un quart d'heure de concentration. Voilà. Mais les éjacs, c'est souvent très laborieux. C'est marrant, d'accord, c'est pas ce qu'on peut. Okay. Donc c'est quelque chose qui peut durer très longtemps avant d'obtenir l'éjac. Donc c'est souvent ça se finit très souvent, tu remarqueras, en masturbation. Oui. Où on coupe un petit peu au montage, parce que la masturbation dure des fois un peu trop longtemps et il ne faut pas qu'on s'ennuie. D'accord. Et donc voilà, qu'on soit en gay ou en hétéro, on attend souvent le visage près du sexe de l'acteur. Et des fois, on n'imagine pas tout ce qui se passe dans la tête. On se dit, vas-y, il fait chaud, Il y a une pression, on est là depuis 3-4 heures, vas-y. Donc moi, il y a toujours un moyen. Voilà, moi, pour que ça marche, je ne rajoute jamais une pression supplémentaire. Oui, bien sûr. Parce que si tu dis à l'acteur, tout le monde attend, putain, vas-y, t'es sûr que... Ça casse l'effet tout de suite. Voilà. Donc, on est un petit peu hypocrite à ce moment-là. Et on dit, mais c'est pas grave, prends ton temps. Oui. Mais des fois, tu peux en arriver à avoir la bouche anesthésiée tellement tu fais une fellation depuis... Donc, voilà. Mais tu prends ce recul de mimer vraiment la joie et le fait que... Tout va bien et que ça va bien se passer, que ça va sortir et qu'il y en aura partout. Et que c'est super. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as des... Donc, c'est un métier qui est quand même particulier, mais est-ce que c'est un métier qui est dangereux? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a eu des anecdotes là-dessus? Non, alors, dangereux, non. Je n'ai jamais eu de danger. En plus, on est précautionneux pour tout. Voilà. Par contre, bon, si tu veux une petite anecdote, il y a des fois des scènes qui nous échappent un peu. D'accord, ok. Mais après, et ça fait partie du métier, ces petits détails, on en prend note et on ne le refait plus jamais. D'accord, ok. Je me souviens par exemple d'une scène donc, où un homme prenait une femme et le dessus de lit, c'était un tissu un peu satiné avec un peu des sequins, tu sais, ces petits strass. Voilà. Petites paillettes en plastique brillante. Ces petites paillettes en plastique brillante. Sequins, c'est ça. C'était un dessus de lit coquet. D'accord. Mais pas adapté du tout. D'accord. Parce que, en fait, donc moi, je regardais la scène dans le combo, dans le moniteur. Ouais. Et en fait, ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est qu'avec ces mouvements de va-et-vient sur la fille, l'acteur était en fait en train de se charger en électricité statique. Le satin, les sequins. Et d'un seul coup, j'ai vu, mais vraiment, c'est clair, j'ai encore cette image en tête, un éclair, un mini-éclair, sortir du tissu et aller directement sur une testicule de l'acteur qui a bondi comme une grenouille, qui est sortie du champ. Oh, il a disparu en une seconde. Voilà, tu vois, ce sont des petits... Il a dû souffrir, ça fait du mal. Oui. Puis des fois, tu peux avoir des petits moments de doute aussi, je me rappelle. Mais ça fait mal, mais est-ce que vous avez ri? Parce que c'est drôle quand même. Non, mais sur le moment, en fait, ça c'est au-delà du rire. Oui. Non, parce qu'on est vraiment dans le film. Oui. Et tu vois, c'est pareil, pour des fois, on nous pose la question, est-ce que moi, oui, je suis excité quand je tourne? Ouais. Eh bien, en fait... Quelle que soit la scène, même si ça tombe, parce qu'en en fait, il ne faut jamais penser forcément qu'à tes fantasmes, à toi, à ta personnalité, oui, mais sinon oui, tu restes fermé dans un truc. Même si je tombe sur une scène qui, par le pur des hasards, correspond pile poil à ce qui pourrait m'aller, mm-hmm, non, tu ne penses qu'à ta scène. Oui. Tu n'es pas du tout en premier degré. Oui. Et quand il se passe quelque chose qui est super, en fait, tu te dis, c'est super. Pour le film. Ouais, voilà, je comprends. Donc, okay, c'est vraiment de... faire la part des choses, ouais, tout le temps, quoi. Et donc là, il disparaît. Donc, il du disparaît combo, d'un coup. Un éclair. Mais après, il est revenu. C'était d'ailleurs, tu vois, un acteur courageux. Ouais. Et il a eu peur. Non, mais il a vraiment bondi. Et... Ouais, oui, j'imagine. Attends. Ouais, pour que tu le vois et tout, ça va faire super mal. Tu sais les boules transparentes où quand tu mets les mains, ah, il y a des petits éclairs. Ben voilà, ça fait un éclair comme ça. Le pauvre. Il y avait une autre scène, d'ailleurs, qui me revient. Alors là, c'était plus soft. D'accord. C'était une actrice qui devait s'enduire le corps d'une crème aphrodisiaque. D'accord. Et nous dire en direct ce qu'elle ressentait. Donc tu sais, quand on tourne, on est dans la semi-impro. Oui. Donc on laisse dire, tu vois. Oui. Et donc elle se passe la crème, elle se passe dans des parties les plus intimes et tout. Et à ce moment-là, je regarde le pot de crème que m'avait emmené le régisseur. Donc Fabrice. Oui. Okay. Je m'aperçois en fait qu'elle est périmée, mais pas d'un peu, tu vois. D'accord. Genre périmée. De... Et à ce moment-là, je m'aperçois de ça, la fille, pour continuer son texte, enfin sa scène, oui, commence à me dire ça picote. Ah, mon Dieu. Ça me fait une grosse de sensation. Et là, tu vois, pendant un petit moment, tu sais pas si en fait si c'est premier degré, oui, ou si elle est vraiment dans, oui, sa scène que tu n'oses pas couper. Donc voilà, il y a eu un flottement parce que tout le monde s'était aperçu que la crème était périmée. Et on avait à ce moment-là, oui, un petit flottement. Et, ouais, je te rassure, elle était dans son texte. D'accord. Mais ça s'est passé comment? Parce qu'elle a dû faire une réaction allergique. Non, en fait, elle a rien fait. Mais nous, on a juste vu. Que la crème était périmée, et elle faisait son... Comme c'était censé être une job. Crème aphrodisiaque, elle en rajoutait un petit peu au niveau d'accord, du texte. Okay. Mais nous, en fait, comme on n'a pas coupé la scène, puisqu'elle était on était en train de la tourner, bah oui, on a eu un petit moment de flottement. D'accord, tu vois, on s'est okay, dit, mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle pense... Un doute, quoi. Mais en tout cas, voilà, la crème périmée n'a rien fait. Ah après, bon, ouf, d'accord, elle est sortie indemne. D'ailleurs, elle a encore beaucoup tourné avec moi, donc... D'accord, donc c'est drôle. Ça allait bien. C'est drôle, ok. Bon, merci pour ces anecdotes, c'est pas mal. Mais du coup, alors, c'était quoi, juste par rapport à ça, donc on voit que du coup, il y a plein de tournages dans des décors différents, etc. Est-ce qu'il y a la bijoute type? Oui. Des films porno amateurs. Oui. C'était quoi ta bijoute à toi? C'est un gros carton. D'accord. Où il y avait un peu de tout. Par exemple, des ampoules halogènes de rechange. Oui. Des pots de gel par kilo. Des préservatifs, en veux-tu, en voilà. Oui. Des godes. Enfin, d'accord, ok. C'est une bijoute aussi variée, en fait, qu'une bijoute standard. Mais un petit peu orientée. Porno, il y avait aussi des stéthoscopes. Enfin, d'accord. Tout ce... Ouais, tous les accessoires qui peuvent servir, ouais, à jouer aussi. Mais j'ai utilisé beaucoup de stéthoscopes. D'accord. Voilà, okay. Malgré que je n'ai pas fait médecine, mais... D'accord. J'en ai utilisé pas mal. Ok. Bah écoute, ça me paraît pas mal du tout. Je crois qu'on a fait le tour. C'était assez précis. Enfin, je vois pas... Qu'est-ce que tu voudrais rajouter là-dessus? Parce que là, du coup, on a fait tout le tour sur ton parcours. Toi, comment tu as découvert du coup le porno amateur, ton style, comment tu travaillais un peu là-dedans. On a même eu un peu des astuces du coup pour tourner, réaliser des films porno. Ben, si tu veux, moi, je peux te dire, par contre, Oui. Cette période donc, qui est un peu effacée, les films de cette période un petit peu effacés. Oui. Pourquoi ils datent et la différence qu'ils peuvent... Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah par oui, rapport avec aujourd'hui, par exemple. Ouais. Ouais. Alors, pourquoi ils datent? Ben, ça se voit tout de suite, le 4 tiers. Ouais. Même quand tu es sur, le format même quand t'es sur un site porno gratuit où il y a des tonnes de vignettes, la vignette en 4 tiers... Elle fait pas de cadeau. Ouais. Avec, en général... une image un peu dégueu, ouais. Parce que les formats de l'époque n'étaient pas terribles. En plus, c'est des films qui ont été un peu dupliqués à l'arrache après. Donc, ouais. Bon, image pas terrible. Le look des comédiens, ouais. Les décors. Oui, oui, oui. Tout d'un coup, on a le papier peint un peu chelou derrière. Voilà. OK. Mais au-delà de ça, au-delà du... donc, de ce côté vieillissant, qui est d'ailleurs, et je pense que c'est pour ça que cette période est effacée, qui n'est pas assez vintage, oui. Pour intéresser... les historiens du porno ou les fans de vintage, ouais. C'est pas, tu vois, les films 70, très marqué, Alpha France, Gérard ouais. Kikoïn, d'accord. Qui avait un charme fou, etc., tourné en pellicule. Ouais. Avec... Là, c'est un peu entre deux, parce que les années 90, même au nouveau look, design, etc., oui. C'est un peu un entre deux. Voilà, donc c'est pas assez vintage okay. Pour intéresser, donc. C'est des films qui ont fini en solderie et qu'Internet, d'ailleurs, n'était pas, n'a pas encore... Comment dire, n'était pas encore là, donc il n'y a pas eu la transition ouais, numérique. Ou quand il arrivait, c'était au tout début. Et ouais. Voilà, donc, ils ont d'où pas été le répertoriés. Passage dans l'oubli, quoi. Il n'y a pas voilà, eu... Voilà, ouais. Tout à fait. Mais par contre, par rapport au porno d'aujourd'hui, oui. Et moi, j'ai revu une scène tournée par ma prod il y a 30 ans, 30 plus même. Oui. On est dans le même. Donc la technique est la même. Enfin, la technique, disons, le matériel a changé. Oui. Donc techniquement, oui. C'est... Le savoir-faire ouais. Est le même. Mais ben, en fait, même la manière de faire. Oui, la manière de faire. La manière d'accord. De faire, la manière de faire parler l'acteur au début, pour créer une complicité, etc., etc. Le programme, tout ça, parce que là aussi, je vois des têtes qui se répètent. En fait, pour moi, à part les supports techniques... Et qui ont évolué, qui permettent d'avoir une super image. Et surtout, peut-être aussi, alors ça, c'est pour les productions, pas pour le spectateur, mais grâce à Internet, le fait de pouvoir faire des castings en direct, d'avoir les photos, les gens et tout, oui. Mais c'est, ça doit être... C'est beaucoup plus simple, je ça pense. Ça doit être génial. Ouais. Mais à part ça, ouais. Le principe du porno amateur, pour moi, est le même. D'accord, OK. Voilà. OK, très bien. On joue sur la même chose, sur cette même... mise en scène d'un côté cru et spontané, qui est mise en scène quand même parfois. Oui. Voilà, on joue sur les mêmes codes. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, écoute, c'est pas mal, je crois qu'on a fait un peu le tour. Du coup, toi, par rapport à cette période-là, ça a marqué à la fois le début de ta carrière dans le porno, mais aussi la fin. Toi, tu t'es arrêté sur cette ouais, tranche. Ouais, moi, pour moi, mon repère, c'est le DV. D'accord, ok. C'est très l'arrivée bien. Du format DV. Okay. Voilà, j'ai encore tourné en DV, ouais, ouais. Mais pas très longtemps. D'accord, ok. Enfin, le DV, c'était à l'époque, c'était Byzance. Hein. Ouais. C'était quand même un format qui avait une qualité d'image déjà supérieure, etc. Donc, c'est une période faste, mais qui a duré pas si longtemps que dizaine, ça, finalement. Une dizaine d'années. Puisque dès l'arrivée ouais. D'Internet, ça a cassé complètement le réseau. Donc, le enfin, système. Dès l'arrivée de la gratuité d'Internet. Parce qu'au début, faut pas oublier qu'au début d'Internet, la gratuité n'était pas ouais. Là. Et puis, il n'y avait pas des débits terribles. Oui. Tu vois. Mais à l'arrivée du haut débit de la gratuité, ça a été fatal. Et aussi beaucoup pour les sex shops qui vivaient beaucoup de la VHS et du DVD aussi. D'accord, oui. Donc après, hop, ça a disparu. Ouais. Enfin, disons, après, on est rentré dans une rentabilité complètement différente. Oui. Les années folles étaient derrière soi. Voilà. Ok. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour pour ce premier épisode donc sur le porno amateur, le début du porno amateur français donc dans les années 90. Ça va pour toi ? Oh, ça va super. J'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, on est très content de ce premier épisode. De quoi tu voudras nous parler dans le prochain, Philippe ? Alors, pour le prochain épisode, ben, j'ai encore une petite hésitation. Est-ce que tu veux savoir ? Ben oui, dis-moi tout. Alors, entre deux thèmes, mais qui seront abordés de toute façon. Soit des histoires de sex shop. Oui. Sex shop dans les années 80-90. D'accord. Donc avec encore... avant la fin. Voilà, des rayons remplis de cassettes vidéo. D'accord. Des cabines remplies de monde. Et il se passait des choses pas très catholique. D'accord, ok. Dans les parties cabines. Donc voilà, c'est des anecdotes et un petit peu d'histoire sur les sex shops. Mm-hmm. Ou alors, les lieux de drague ou moyens de drague gays dans les années 70-80. D'accord. Là aussi, tu vas voir, il y aura des lieux qui sont surprenants, okay. Cocasses. Et puis culturellement, je trouve que c'est important parce qu'on n'y pense plus, ça a été oublié, mais de connaître un petit peu comment, quel lieu accueillait les dragues gays à cette époque-là. À cette époque-là. Donc d'accord. C'est soit l'un soit l'autre, mais de toute façon, vous retrouverez ces deux sujets forcément dans super. Nos podcasts. Tu nous gâtes, Philippe. Merci. Je te gâte particulièrement. Tu vas faire des jaloux. Ben écoutez, voilà le programme qui est annoncé. Merci Philippe, je te dis à la prochaine. Merci à toi Virginie, à bientôt. À bientôt.